Ouais. Viens voir ce que j'ai ici. Faut que je vienne voir quoi ou juste ta chotte? Viens voir, je te dis. T'as rien qui ferait peur à une pucelle. Alors c'est toi qui viens. Moi j'en ai une belle à te montrer. Tu veux peut-être que je la sorte pour que tu la vois mieux? Ah, je sais pas, le microscope. Non mais vous êtes complètement barrés ou quoi? Un concours de longueur maintenant. Fermez-la, merde. Je t'ai préparé une petite unité d'une dizaine d'hommes. Ils t'attendent pour aller décimer le groupe du salut à quelques lieues de notre position. J'aimerais, si possible, que vous me rapportiez leur chef. Ils vont pas faire long feu, ces scélérats. Je veillerai à ce qu'on te le chope plus ou moins indemne. Donovan sera le maître de cette opération. On sait approximativement qu'ils sont entre 15 et 20 hommes. Ils ont établi leur camp à 15 km de notre base. Vous devez être très prudent. Bon courage. Bien. Tout d'abord, nous allons nous séparer en deux groupes. L'un prendra la rive droite, vous servirez à les distraire pendant que nous nous ramènerons avec le reste du groupe sur l'autre versant. Il nous faudra être synchronisés et communiquer à l'aide de nos talkie-walkie. Des suggestions? Non, monsieur. Allons voir Sidorovitch pour les armes. Il va nous falloir quelques munitions. Si nous pouvions avoir leur chef indemne pour le ramener, ce serait un plus. Le reste de son équipe, on en fait de la chair à pâté. Hey, Sidorovitch, on aurait besoin de toi pour nous fourguer du bon matos. T'as de la thune? Si vous avez pas de quoi payer, allez vous faire voir. Ouais, on a assez xénome pour faire marcher ton petit commerce. Très bien. Alors je vais te proposer mes trois petits bébés que j'ai pu récupérer. Je te présente le KFM-003, d'une bonne précision. Suffit juste de t'habituer à la prise en main. Des balles de 9 mm perforantes. Tu peux rajouter un viseur sur l'arme si jamais tu te sens pas à l'aise. Ensuite j'ai le Submode M243, un rifle avec pour balle des... Wow. Pour moi ce sera surtout des munitions pour un Walker P9M. Et du 5.45 pour un AKM-74 avec deux recharges. Tu aimes tes antiquités, hein? Ça te fera 450 Zenom. Bon, à qui le tour? On va se séparer à partir d'ici. Elliot, tu prends en charge le groupe 2. Surtout, restez discret. Et si vous vous faites repérer, tirez. Mais il faut à tout prix garder leur chef en vie. On n'a pas eu énormément d'informations, si ce n'est que ça fait 2 jours qu'ils sont à cet endroit. À vos ordres. Elliot, vous en êtes où? On approche de la zone, chef. Rien à signaler. On ne détecte aucun mouvement pour l'instant. Restez prudent. Embuscade! Embuscade! On s'est fait avoir! Ils étaient au coup! Elliot? Elliot? Ces enfoirés, comment ont-ils su? Chef, il y a certainement une taupe dans notre camp. Ça m'étonnerait, Achise à l'œil surtout. Bon allez, on doit faire notre taf. Seulement, c'est bien trop risqué. On ne va pas donner notre peau à ces fils de chiens. Chut, tendez l'oreille. Putain, un guet-apens. J'ai soif. À l'aide. Alors, on a fait de beaux rêves, joli cœur. Soif. Oh, mais que c'est une vraie petite princesse à ce que je vois. Alors, comme ça, on a soif. Salut, Rémi. Alors, comme ça, on essaie de nous faire du rhum dedans. Vous vous aventurez jusqu'à nous sans même savoir qui nous sommes. Quel monde incapable. Pour la peine, je vais me présenter. X-Pamika est mon nom. Je suis l'un des généraux du camp du salut. Et toi, tu es Donovan, une grande franchise. Je vois qu'elle vous a mené jusque dans la cage du loup. Je devrais sûrement l'emmener. Elle nous fera ses cadages, cette mode. Qu'est-ce que tu insinues? J'avais dit qu'on ne touchait pas à l'invité. Ah! Dégage d'ici! Je vais dire que j'ai fait une vraie buse. Elle vous a vendu pour les six camarades. Mais contre quoi? Des armes. Sinon, comment c'est dans le lit, j'aurais pu peut-être mettre cette traumatique d'armes sorties tout droit du lab? Hein? Mais je parie que vous n'y avez pas prêté attention. Achis ferait jamais une chose pareille. Sidorovitch est un acheteur et revendeur. Il fait du commerce là où il peut. Et tu vas me faire croire qu'il va commercer avec un putain de robot? Oh, tu pourrais lui poser la question. Si tu ressors vivant. Bon, allez, on va faire mieux comme tu salues. Tu dois sûrement avoir quelques informations qui nous sont utiles. Le camp de la liberté. Vous êtes vraiment des couards, cervelés et égoïstes. Vous ne vous souciez pas des bonnes gens de ce monde. Vous, tout ce qui vous intéresse, ce sont vos petits profits et arrêtez ceux qui se lassent sur votre route. Que tout le monde reconnaisse votre camp. Mais nous, au camp du salut, nous protégeons les plus démunis. Nous sommes en faveur des armes du lab et de la science de HLSO. Et vous, vous souhaitez éradiquer cette menace? Notre faction sera bien plus de personnes que la vôtre. C'est fini, c'est bon. Vous savez même pas ce que sont vraiment ces organisations. Vous devriez comprendre que notre but n'est pas simplement d'éradiquer ces systèmes, mais les personnes qui forment cet empire. Ils sont pas nets et créent des abominations sous votre nez. Et vous les laissez faire. Ah, Élise, je vous attendais. Qu'en est-il de mes trésors? Ils sont en cours de finition, madame. Ils ont été légèrement corrigés car nous avons décelé un petit souci technique lorsqu'ils ont passé leur test. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Heureusement, j'ai eu le bras droit de Géronimus. Je crois qu'ils sont intéressés par le projet Moebius et il faudra que les types soient prêts dans les plus brefs délais. Je n'aime pas qu'on tourne autour de mon travail. Notre collaboration avec le HLSO doit rester intacte, mais au sein même du lab, certains seraient prêts à tout pour accéder à la puissance suprême. Les types ont été créés pour la sécurité du Moebius et la vôtre. Une fois leurs fonctionnalités et leurs appareillages terminés, ils seront à vous. Ils sont construits dans un alliage très résistant et même des balles ne parviendraient pas à détruire leur anneau énergétique. Chacun d'eux aura sa voix et ses atouts. Je suis certaine qu'ils vous plairont. J'ai tellement hâte de pouvoir les rencontrer. Revenez me voir avec les prototypes lorsque le HLSE aura terminé leur correction. Entendu, madame. Cet artefact. Il me le faut avant que Géronimus ne me le soutire. Tant que je serai là, Moebius ne risque rien. Surtout que je sens qu'il va y avoir du grabuge à Amadorn avec ces bandits qui ne cessent d'arrêter nos caravanes d'armement. En tout cas, nous avons un des deux camps avec nous, mais cette alliance finira par se terminer. Pour le moment, je ne pense pas que nous ayons grand-chose à craindre d'eux. Mais non, mais non, mais non! Ce n'est pas possible! Comment ont-ils pu me retrouver? Oxfar, de la planète de Giron, XS-221. Vous êtes en état d'arrestation pour trafic illégal, vol, tentative de corruption et meurtre. Oh! Ça jamais, mon petit bonhomme! Vous avez jusqu'à 10 secondes pour vous rendre. Au-delà de ce délai, nous enfoncerons la porte. Jamais assez ce cher Van. Le condensateur à fragmentation est d'une telle rareté. En tout cas, cela m'a permis de m'échapper à temps et le trou s'est rebouché. Parfait. Quel ingénieux je suis. Avoir placé mon abri au-dessus d'une grotte souterraine, mes sens de reptilien me quittent toujours aux bons endroits. Cependant, quelqu'un m'a vendu. Il va falloir que je retrouve ce salaud pour lui faire avaler sa langue. Je ne connais qu'un endroit où avoir donné mes informations géographiques. Direction Amadorne.